Bon après-midi à l'écoute de France Inter. Tout de suite, eh bien, c'est rendez-vous avec X, la deuxième partie consacrée au Népal. Verra-t-on un jour des gardes rouges faire la loi à Katmandou ? Katmandou, paradis des 12 illuminés des années hippies, ville mystère où les dieux semblent descendus sur terre. Mais une capitale aujourd'hui frileuse et inquiète, peu à peu désertée par ses touristes, et qui a même récemment subi un blocus impitoyable organisé par la guérilla maoïste qui s'est peu à peu emparée d'une grande partie du pays. Dans un premier entretien diffusé la semaine passée, M. X a évoqué les conditions qui ont permis la naissance et la progression de ce parti communiste extrémiste, s'inspirant d'une idéologie que l'on croyait dépassée. À commencer par la misère et le sous-développement d'un peuple encore majoritairement analphabète, exploité par quelques grands propriétaires féodaux et toujours soumis au système officieux des castes. La fin de l'absolutisme royal en 1990 et une relative démocratisation n'ont guère permis d'enrayer les progrès des maoïstes. Bien au contraire, l'instabilité ministérielle, la corruption généralisée et la participation au gouvernement d'un parti communiste légal ont renforcé leur rang. En outre, la guérilla a bénéficié d'aides extérieures, non pas tant celle de la Chine, qui a désavoué ces maoïstes d'un nouveau genre, que celle d'autres militants maoïstes qui fomentent des troubles dans les États du nord-est de l'Inde, sans doute avec le soutien des services secrets pakistanais, selon M. X. Enfin, nous allons le voir, les grandes puissances occidentales ne pouvaient pas se désintéresser de l'évolution du Népal qui risque de devenir à terme une nouvelle Corée du Nord et pourrait déstabiliser une partie du sous-continent indien. Peut-être est-ce là l'explication du massacre de la famille royale en 2001. Un drame qui a abouti à la montée sur le trône d'un nouveau roi qui a peu à peu rétabli dans les faits la monarchie absolue. Plus sur la terre que du beurre fondu, avec le dernier soupir du dernier disparu, dernier bout de la dernière guerre, dernière ville sous la poussière et dernier espoir perdu. Ce chemin vert sous les arbustes est protégé par les premiers soupirs des tout premiers baisers, premier mot de la première heure, première minute de bonheur, premier serment partagé. Tu te rappelles, on s'était couché sur un millier de fourmis rouges. Aucun de nous deux n'a bougé. Les fourmis rouges, est-ce que quelque chose a changé? Couchons-nous sur les fourmis rouges pour voir si l'amour est resté. Si l'un de nous deux bouge, couché sur les fourmis rouges. Tu n'auras jamais peur du vent qui souffle ici. Et pour les scorpions, te fais pas de soucis. Les mauvais chagrins d'hier, les orties dans les fougères, quand on sait. Ce chemin vert sous les arbustes nous connaît bien. De nos tout premiers rires, c'est le premier témoin. Refuge de la dernière heure et dernière tâche de bonheur au premier signe du destin. Tu te rappelles, on s'était couché sur un millier de fourmis rouges. Aucun de nous deux n'a bougé. Est-ce que quelque chose a changé ? les fourmis rouges. Est-ce que quelque chose a changé? Couchons-nous sur les fourmis rouges pour voir si l'amour est resté et voir si l'un de nous debout est couché sur les fourmis rouges. France Inter, rendez-vous avec X. Fin 2003, le parti communiste du Népal maoïste, enfin c'est son appellation officielle, contrôlait plus des deux tiers des districts népalais et pouvait compter sur au moins 10 000 combattants aguerris pourvus d'armes modernes. Et là, dans les zones dites libérées, les maoïstes assurent la réalité du pouvoir, m'avez-vous dit. C'est exact, oui. Ils se sont substitués à l'administration ancienne qui était dans la main des notables, des capitalistes, comme ils les appellent. Ils ont donc mis en place des milices, des tribunaux populaires et procédé à des redistributions de terres. Oui, c'est-à-dire des terres confisquées à leurs propriétaires. Bah, naturellement. Ouais. Et en même temps, ces maoïstes ont construit des équipements élémentaires. Des ponts, des routes empirées, des moulins, car ils ont compris que la véritable aspiration populaire, bah, c'était le développement. Ouais, le développement pour sortir de la misère. Ouais, on n'est pas en manque de tout. De médecins, de professeurs, mais aussi de routes ou de barrages hydrauliques, alors même que le relief montagneux permettrait de doter le pays d'un formidable outil hydroélectrique. Enfin, de quoi fournir de l'électricité à toute la population. Et lorsque les maoïstes tiennent ce langage, bah, ils sont obligatoirement écoutés. Il en est de même quand ils dénoncent la corruption des hommes au pouvoir et des élites. Cette corruption, ça fait plusieurs fois qu'on en parle. Tout à fait. Elle est prouvée? Oui, tout à fait. J'ai lu récemment dans un rapport international que 3% seulement de l'aide étrangère apportée à ce pays, sous-développé, parvenait à destination. Alors le reste est détourné. Et j'allais le dire en toute bonne conscience. 97%, oui. Mais c'est-à-dire L'esprit de caste, même si le système a été officiellement supprimé il y a plus de 40 ans, subsiste toujours. Et dans les castes supérieures, on trouve parfaitement normal de spolier les plus pauvres. C'est un état d'esprit. Oui, ouais, enfin, il faut savoir que le servage n'a été aboli qu'il y a 4 ans. Ouais. Le servage. Oui. Pourtant, vous m'avez aussi dit que les chefs maoïstes étaient eux aussi issus des castes supérieures. Oui. Pranansha et son acolyte Bataraï sont des brahmanes. Mais Robespierre n'était-il pas un bourgeois? Oui, bon. Enfin, pour revenir à ce que vous disiez de l'emprise progressive de la guérilla sur le pays, il existe donc aujourd'hui deux Népal. En effet. Mais est-ce que ces changements se sont accompagnés d'actions violentes? Forcément. Les maoïstes règnent aussi par la terreur. Et ils l'ont montré en éliminant physiquement ou en raquettant les possédants et les exploiteurs. Et ça ressemble beaucoup à l'expérience des gardes rouges de Mao Zedong. Ah, c'est certain, oui. Et comme les maoïstes chinois de la révolution culturelle, ils ont créé un camp de rééducation. Enfin, je voudrais insister sur un autre point. Il y a aussi une dimension morale dans cette révolution, ou plutôt cette guerre populaire, comme ils disent. Mais c'était précisé, là. Revenons à ce système des castes qui perdure aujourd'hui. Partout où les maoïstes ont pris le pouvoir, ils ont pris la défense des Dalits, c'est-à-dire des intouchables, une caste qui représente un cinquième de la population. Alors, j'imagine qu'ils ont du même coup recruté de nouveaux partisans. Évidemment, car leur message égalitaire a été réellement suivi des faits dans la vie quotidienne de ces Dalits, considérés comme des sous-hommes et qui étaient victimes d'une véritable apartheid. Autre point très important, la lutte contre l'alcool, et même son interdiction. L'alcool, qui est un véritable fléau au Népal, et pas seulement dans les classes les plus misérables, comme vous le verrez tout à l'heure. Ça, c'est peut-être pas très populaire comme mesure. Quand on se souvient de la réaction de la population russe, quand Gorbatchev a voulu limiter la consommation de vodka... Détrompez-vous. Les femmes ont applaudi. Les femmes, premières victimes des maris violents, et qui sont nombreuses dans les effectifs de la guérilla. Alors, si je vous écoute bien, là, il y a donc aussi chez ces nouveaux maoïstes... la volonté de construire une société plus morale. Oui, en interdisant aussi aux jeunes gens d'avoir des relations sexuelles avant le mariage. Ce sont des puritains. Alors. Exactement. Et comme ils ont pris soin de chasser les usuriers, ils ont aussi interdit les paris qui ruinaient les paysans, les plus pauvres, et sanctionné les professeurs qui trop souvent délaissaient leurs écoles. Enfin bref, ils veulent reconstruire une société égalitaire et vertueuse d'ordre et de travail. Ouais. Bon, enfin, j'imagine quand même que certaines de ces mesures ont dû avoir du mal à passer. Mais sans doute, enfin. Mais les habitants des zones qu'ils ont conquises n'ont pas le choix. Ils doivent obéir sous peine d'être envoyés en prison ou dans ce camp de rééducation. Les violences sont coutumières. Bien entendu. Fait pas bon résister aux comités locaux mis en place par les maoïstes. Des sortes de soviets, quoi. Oui, et ces dirigeants locaux n'hésitent pas à inciter les paysans à recourir eux-mêmes à la violence pour se débarrasser de leurs exploiteurs. Ainsi, ils disent aux paysans, le propriétaire a besoin de vous, mais vous, vous n'avez pas besoin de lui, alors chassez-le et s'il revient, tuez-le. Enfin, comme les maoïstes ont besoin de combattants, ils procèdent au recrutement de force. Et on prétend même qu'ils enrôlent des enfants. Et en face, alors? Bah, la réaction du gouvernement, vous voulez dire? Bah oui. Oui, bon, il faut distinguer deux périodes. Avant et après 2001. Mais avant tout, il faut dire que le pouvoir a bien du mal à combattre la guérilla. L'éloignement, le manque de voies de communication, le relief sont autant d'obstacles pour les forces royales. Une chance pour la guérilla. Bah, en plus, il faut comprendre que la population s'est toujours sentie oubliée et confinée dans la misère. Et puis, elle a longtemps subi les exactions d'une police brutale et d'une administration corrompue. Donc, même les Népalais qui ne sont pas acquis à la cause maoïste n'ont pas épousé la cause de la monarchie. Pourtant, vous m'avez dit, la semaine passée, que le roi Birendra a été considéré comme un demi-dieu. C'est juste. Mais Birendra était loin, dans son palais de Katmandou, et les Népalais faisaient la différence entre ce roi, pour lequel ils éprouvaient des sentiments quasi-religieux, et son gouvernement qui les accablait. En outre, il faut tenir compte de l'instabilité politique. Entre 1994, l'année où les communistes légaux sont arrivés au pouvoir, et 1999, je crois qu'il y a eu, il me semble, six gouvernements. Six gouvernements. Les Népalais n'avaient donc plus confiance dans la démocratie. Non, parce que rien n'avait changé et qu'ils vivaient toujours dans une pauvreté absolue. Cette instabilité gouvernementale ne pouvait qu'être favorable au progrès de la guérilla, alors même que celle-ci recevait des renforts en hommes. Des renforts d'où? D'anciens soldats d'élite qui avaient servi dans les bataillons britanniques de Kurka et qui sont venus rejoindre les combattants maoïstes. Même des casques bleus qui avaient servi sous l'uniforme népalais ont été enrôlés. Alors ça, c'est des vétérans aguerris. Bien sûr. Ouais. Et la guérilla se faisait toujours plus audacieuse. Non seulement elle contrôlait les districts de l'Ouest. L'Ouest d'où était partie la rébellion. Oui, c'est ça. Parce que, je vous l'ai dit, l'extrême gauche y était implantée depuis assez longtemps. Ouais. Bon, les maoïstes se permettent des avancées vers l'Est. Alors, l'Est est vers la capitale, Katmandou. Oui, et c'est très important. Pourquoi là? À cause du tourisme? Bien sûr. Le tourisme qui est une des principales sources de revenus du Népal. Ouais. Et tous ces visiteurs qui viennent faire du trekking ou affronter les monts himalayens ou tout simplement admirer les richesses architecturales du pays. Par conséquent, ces rebelles, s'ils progressent en direction de Katmandou, risquent d'effrayer les touristes. Oui, mais alors, s'en sont-ils pris directement aux touristes? Bon, écoute, à ma connaissance, une seule fois. Alors, parce qu'eux aussi n'ont pas voulu tuer la poule aux œufs d'or? Là, ça me paraît évident. N'empêche que le climat de violence qui règne dans une grande partie du pays peut être dissuasif pour les touristes, même si les maoïstes se sont bien gardés d'intervenir militairement dans la capitale. Toutefois, c'est vrai, des visiteurs étrangers ont été témoins d'incidents très brutaux dans les rues même de Katmandou. C'est-à-dire? Des grèves, des manifestations ont été sévèrement réprimées par la police. D'autant plus sévèrement que cette police subissait de nombreux échecs dans le reste du pays. Elle se vengeait à Katmandou, quoi. Oui, on peut voir les choses comme ça. Mmh. En 1998, en effet, une grande campagne de répression qui a mobilisé plus de 20 000 policiers s'est traduite par un échec. Un échec qui va avoir de lourdes conséquences. Mais pour quelle raison? Parce que dans les milieux proches du pouvoir, mais aussi dans certaines ambassades, on ne comprend pas pourquoi le gouvernement ne change pas de calibre. Mais ça veut dire quoi, ça? Eh bien, tous ces gens pensent qu'il faudrait impliquer l'armée dans cette guerre contre les maoïstes. Ouais, mais cependant, m'avez-vous dit, le roi Birendra, chef des armées, s'y oppose. Oui, mais enfin, ça, c'est un obstacle qui bientôt n'en sera plus un. Yeah. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. La police népalaise, mal équipée, mal entraînée et qui recourait trop souvent à des procédés expéditifs, pouvait-elle venir à bout de la guérilla maoïste qui ne cessait de gagner du terrain ? En mars 2000, alors qu'une nouvelle fois on assiste à un changement de gouvernement, Anthony Davis, journaliste d'Asia Week, fait le constat suivant. Voilà 2 ans que des voix se sont élevées pour réclamer l'intervention de l'armée, forte de 47 000 hommes. Mais une telle éventualité risque de mettre en péril la jeune démocratie et le tourisme. Comme le dit l'avocat Gopal Siwakochintan, militant des droits de l'homme, un recours militaire serait la porte ouverte à la guerre civile. Une autre solution, dont le gouvernement Bataraï a récemment approuvé le principe, consiste à créer une force de police armée avec 25 000 hommes spécialement entraînés et équipés pour lutter contre la rébellion. Les conditions nécessaires à la mise en place de cette nouvelle unité sont à l'étude. Dans un premier temps, le projet viserait à entraîner et à déployer dans un délai d'un an une dizaine de milliers d'hommes équipés d'armes modernes. La police veut également que les nouvelles forces soient dotées de 4 hélicoptères pour le transport de troupes et le soutien logistique sur les terrains montagneux accidentés du Népal. À l'heure actuelle, elle est obligée d'en louer à des sociétés privées. Elle a perdu récemment un appareil détruit au sol par les maoïstes. L'obstacle Birendra, vous dites. Oui, oui, ce roi qui s'oppose de toutes ses forces à l'utilisation de l'armée dans la lutte contre l'insurrection maoïste. Ouais, mais pourquoi exactement? Le souverain ne méconnaît pas le danger maoïste, d'autant que les rebelles n'ont pas caché qu'ils voulaient en finir avec la monarchie. Ouais, c'est-à-dire que le roi est personnellement menacé. Voilà. Toutefois, il sait que si l'armée est mobilisée sur le terrain, c'est tout le pays qui risque de basculer dans la violence. Et la guerre civile. Bien entendu, ce qu'il veut éviter à tout prix. Mais il doit subir de fortes pressions. Les guerrieros, toujours mieux équipés, sont de plus en plus entreprenants. Petite parenthèse là. Vous avez dit la semaine dernière que les armes dont ces guerrieros disposaient leur étaient sans doute fournies par leurs frères maoïstes qui se battent en Inde. Les rebelles naxalites, oui. Mais eux-mêmes, où trouvent-ils ces armes modernes? C'est le plus grand mystère. Vous m'avez quand même laissé entendre que les services pakistanais pourrait ne pas être étranger à ce trafic. Ce qui me paraît, en fait, assez logique, non? Oui. Le Pakistan et l'Inde sont toujours en état de guerre perpétuelle. Et tout ce qui peut affaiblir et déstabiliser l'Inde ne peut pas être dédaigné par Islamabad. C'est tout ce que je peux dire. Quoi qu'il en soit, il est vrai que la guérilla népalaise est ravitaillée en armes modernes au travers de la frontière avec l'Inde. Une frontière particulièrement poreuse. Ouais. Il est donc déjà loin le temps où les maoïstes ne pouvaient compter que sur les armes qu'ils dérobaient aux policiers. Et où ils attaquaient les postes de police avec de simples couteaux népalais, oui. Maintenant, quand ils s'en prennent aux policiers, c'est avec des armes automatiques et même des explosifs. Au printemps 2001, en moins d'une semaine, 2 postes sont attaqués à l'ouest de Katmandou. Un vrai massacre. Des dizaines de policiers sont tués. Et il n'y a pratiquement plus de jours où on signale des actions violentes des rebelles contre la police. Alors que le roi, lui, continue à s'opposer à l'intervention de l'armée. Oui, oui, mais il est certain que Birendra aura de plus en plus de mal à jouer les équilibristes. Et c'est dans ce climat politique d'extrême tension qu'un événement inouï se produit au mois de juin 2001. Le roi Birendra est assassiné, et avec lui une grande partie de la famille royale. Oui. Alors, si vous permettez, voyons d'abord les faits. Une précision d'abord. Les récits de ce drame sont souvent contradictoires et assez confus. Enfin, toutefois, essayons d'y voir clair. Donc ce soir-là, au palais royal, presque toute la famille du roi Birendra est réunie. Presque. Il manque quelqu'un? Oui, le prince Gyanendra, le frère du roi. Et celui qui lui succédera. Et ça alimentera forcément les soupçons. Bah, oui. La famille est donc réunie, mais on boit l'apéritif avant de passer à table. Soudain, le fils du roi, le prince héritier Dipendra, apparaît. D'après les rares témoins qui ont accepté de parler, il semble ivre. Un mot sur ce prince, peut-être, avant de... Volontiers, oui. Dans cette monarchie constitutionnelle, Dipendra, c'est le prince Charles. il a des fonctions de représentation. C'est ça, oui. Il inaugure les chrysanthèmes à la place de son père. Enfin, pour le reste, ce prince, qui aime beaucoup la poésie et la musique, a eu une jeunesse dorée. On lui prête un sérieux penchant pour la boisson, peut-être même pour la cocaïne. Son caractère? Tout ça est affaire de subjectivité, mais ses proches trouvent que c'est un faible. Dernier point, pas le moins important, Dipendra, nommé colonel de l'armée népalaise par son père, aime beaucoup les armes. Et dans cette affaire, ça compte, évidemment. J'ajoute que Dipendra, c'est en tout cas ce que disent ses intimes, n'aime guère la vie au palais. Pourquoi il s'ennuie? Oui, il reproche à sa famille d'entretenir ce trop grand fossé qui existe entre le peuple et le palais. Ouais, c'est quand même pas un opposant. Non, bah, n'exagérons pas. Bon, alors je reprends. Mm-hmm. Dipendra a donc trop bu. Ça exaspère sa famille. Pourquoi? Parce qu'il se conduit mal et... surtout, toujours d'après ses rares témoins, parce qu'il se dispute avec ses parents. Il s'en prend surtout à sa mère, la reine Aishwara. Pourquoi? Il s'agit de là, de l'aspect Roméo et Juliette de cette affaire. Attends, ça signifie quoi, ça? Bon, bah, je vous explique, puisque vous n'avez pas l'air de comprendre. Ouais. Dipendra est amoureux. Mm-hmm. Et l'élu de son cœur s'appelle Devyani Rana. Et de la vie générale, elle est belle, bien éduquée et intelligente. Alors où est le problème? Vous ne m'avez pas bien écouté. Elle s'appelle Rana. Elle appartient donc à cette dynastie rivale de celle des chats. Les usurpateurs qui ont chassé les chats du pouvoir au 19e siècle. Bah voilà. Ah, en outre, la mère de cette Devyani est une indienne de la haute société. Une indienne, donc elle n'est pas très bien vue au Népal où l'on se méfie des indiens. Eh oui, malgré les liens presque inextricables qui lient les deux peuples. Enfin, toutefois, passons. Dipendra, donc, veut épouser sa belle. Mm-hmm. Mais sa mère, qui est très autoritaire et mène son mari de roi par le bout du nez, ne veut pas de ses épousailles. Et pour une raison assez bizarre et qui me fait douter de la vraisemblance de cette histoire, pour la reine, non seulement Devyani est une rana, mais c'est une rana de troisième ordre. Oh là là, et qu'est-ce qui vous paraît invraisemblable? Bah d'abord, si on ajoute foi à ces querelles de caste, la jeune fille n'est nullement une parvenue, mais elle appartient au gratin des sociétés indiennes et népalaises. Et puis surtout, la reine semble oublier qu'elle est elle-même une rana. Oula. Donc pour reprendre votre comparaison, cette Capula a épousé un Montaigu. Ah, exactement. Alors, est-elle en droit d'interdire à son fils d'épouser à son tour une Capulet? Bon, enfin, continuons. Ivre, donc, Dipendra s'en prend à sa mère. Celle-ci réplique très durement et affiche son mépris pour la jeune Devyana. Mmh. Et le roi, lui? Bah, il est d'accord avec son épouse, même s'il ne s'exprime pas avec la même violence. Lui, ce qui l'embarrasse surtout, ce sont les liens de la jeune femme avec les milieux gouvernementaux indiens. Et puis, il est de tradition au palais que ce soit le couple royal qui décide du mariage de ses enfants. En tout cas, devant cet esclandre, quelques membres de la famille se croient obligés de s'interposer. Et le jeune Dipendra, qui tient à peine debout, est raccompagné dans ses appartements. Fin provisoire de l'incident. Oui. Mais quelques minutes plus tard, le prince héritier revient, il a passé un treillis et il est lourdement armé. Quel genre d'arme? Un fusil d'assaut américain M16, une arme automatique redoutable. Il porte aussi une arme de poing. À partir de là, les versions diffèrent. Enfin, peu importe, seul le résultat compte. Et ce résultat, c'est un épouvantable massacre. Dipendra commence par tirer sur son père, qui s'écroule aussitôt, puis il ressort, il se heurte alors à l'un de ses oncles. Celui-ci lui demande de lui donner son arme. Il est aussitôt abattu à bout portant. C'est un comportement de démon. Oui, ça y ressemble, et ça ne fait que commencer. Dipendra revient alors dans le salon, où il a mortellement blessé son père. Sa sœur et l'une de ses tantes sont penchées au-dessus du mourant. Le jeune homme tire sur elle et les tue. Et personne n'intervient, enfin... Dans ce palais, il doit tout de même y avoir des gardes, des domestiques, et puis ces fusillades doivent faire du bruit. Oui, je sais. Tout ça semble très étonnant, car ça dure. Dipendra sort maintenant dans le jardin, et là, il se trouve face à sa mère, la reine Aishwarya. Aussitôt, il lève le canon de son arme, mais un de ses jeunes frères se précipite. Donc, il vient au secours de sa mère. C'est ça. Ouais. Mais il est tué, lui aussi. Et tout de suite après, c'est le tour de la reine. Au total, et c'est complètement fou, une dizaine de membres de la famille royale sont abattus. Père, mère, oncle, tante, sœur et frère de Dipendra. Puis le prince héritier se serait saisi de son arme de poing et se serait tiré une balle dans la tête. Ouais, vous avez employé le conditionnel. Hein? Parce que rien n'est vraiment clair dans cette tragédie. Des témoins qui ont vu les corps ont affirmé que Dipendra portait des traces de coups de feu dans le dos. Mais personne ne pourra jamais établir la vérité sur le massacre, car les corps des victimes ne sont pas autopsiés et sont précipitamment incinérés, avant même que des dignitaires étrangers puissent leur rendre un dernier hommage. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Avant de poursuivre la diffusion du récit de Monsieur X, un petit retour sur la personnalité du prince héritier d'Ipenra. À l'envoyé spécial de l'Express, une princesse confie qu'il était très populaire. Il y a quelques années, quand l'équipe de foot du Népal a gagné un match, il est descendu sur le terrain féliciter le capitaine et son équipe. Dans mon pays, une telle familiarité était sans précédent. Quelques initiatives de ce genre l'ont rendu sympathique aux yeux de la population. Par son tempérament naturel, Dipenra semblait accessible à l'homme de la rue. Mais son image avenante et la réalité étaient deux choses différentes. Il fumait des drogues douces du matin au soir et buvait comme un trou, confie un membre de la famille. Depuis des années surtout, le prince héritier, fasciné par les armes à feu, éprouvait une colère froide envers ses parents qui lui refusaient obstinément la couronne s'il épousait la femme de son choix, Deviani Rana. La cour reprochait à la jeune fille, pourtant enfant d'un ancien premier ministre, ses lointaines origines indiennes. Il y a quelques mois, confie un témoin, j'ai vu Dipendra gifler une princesse enceinte de 8 mois qui était intervenue dans une querelle à ce sujet. Après le massacre, selon la version officielle, le prince Dipendra se tire une balle dans la tête. Mais il ne serait pas mort sur le coup. On le transporte donc à l'hôpital militaire de Katmandou et là, on le maintient en vie artificiellement pendant 3 jours. Et pourquoi À l'instant même où il a tué son père, Dipendra est devenu roi. Ah oui, même assassin. Ah, même assassin, oui. Le roi ne peut pas répondre devant la justice de son pays. Mais si on prolonge artificiellement sa vie, c'est pour donner le temps à son successeur, le temps de se préparer. Ouais. Ce successeur, c'est son propre oncle, oui, c'est ça. Oui, Gyanendra. Oui. L'un des seuls membres de la famille royale qui ne se trouvait pas au palais ce soir-là. Eh oui, qui, en attendant que Dipendra soit déclaré mort, assure la régence. Alors, qu'est-ce que ça cache, tout ça? Je crois qu'il y a des dispositions à prendre. Ces incinérations hâtives, par exemple. Il ouais. faut quand même tenter d'expliquer tout ça sans mettre en péril le système monarchique. Car l'événement est considérable. Ça, c'est vrai, oui. Gyanendra s'y essaie, d'une façon excessivement maladroite. Que fait-il là, il déclare que le massacre aurait été causé par un tir accidentel d'armes automatiques. C'est absurde. Bon, là, je suis d'accord avec vous, et les Népalais n'avalent pas cette version grotesque. Ils descendent dans la rue et commencent à conspuer le nouveau roi. C'est-à-dire qu'ils le mettent en cause tout de suite. Demi-mot, oui. Leur chagrin et leur colère sont d'autant plus grands qu'ils aimaient leur roi, Birendra. Oui, Birendra, vous rappelez, est censé être une incarnation de Vishnu. Ah, le nouveau souverain, lui, n'est guère apprécié. On soupçonne cet homme richissime de vouloir rétablir la monarchie absolue et d'être en tout point l'opposé de son frère défunt. Et puis il y a son fils. Son fils, expliqué là. Il s'appelle Paras. Ce jeune homme est détesté. C'est un viveur qui boit beaucoup. Décidément. Ouais, hein. C'est pourquoi je vous ai dit que l'alcool était un fléau au Népal, et pas seulement dans les castes inférieures. Mais il y a plus grave. Paras, alors qu'il était ivre, a tué plusieurs personnes au volant de sa voiture. Il n'a jamais été inquiété. Une impunité princière. Oui, autre élément qu'il désigne à la colère populaire, Paras était présent au palais le soir du massacre. Et lui a été mystérieusement épargné, comme sa mère d'ailleurs, qui n'a été que légèrement blessée. Ouais. Alors de là à penser que ce Paras a été un acteur de la tuerie. Ou son instigateur. Enfin, selon ces rumeurs, compagnon de débauche de son cousin Dipendra, il aurait drogué celui-ci. Et c'est dans un état second que le prince héritier aurait massacré sa famille. Ça me paraît quand même énorme. Certainement. Mais les Népalais y croient. Comme ils sont persuadés que la famille royale a été victime d'un complot commandité par une puissance étrangère. Quelle puissance, là ? L'Inde, forcément. Le voisin Oni, qui est accusé en permanence de vouloir se mêler des affaires népalaises. Ça se traduit aussitôt dans la rue. La population hostile au nouveau roi s'en prend violemment aux intérêts indiens à Katmandou une semaine durant. Une poussée xénophobe. Et cette colère populaire s'explique très bien. Les Népalais ont l'impression qu'on essaie sciemment de leur dissimuler la vérité. D'après ce que vous avez dit, ils n'ont peut-être pas tout à fait tort. Hein, naturellement. Et les maoïstes ne restent pas inertes. Et ils réclament à corps et à cri l'instauration d'une commission d'enquête. C'est pourquoi, après la fable du tir accidentel, le gouvernement propage l'explication qui ne convainc guère. Le peuple n'arrive pas à croire que Dipendra ait osé attenter à la vie de son père, incarnation de Vishnu. Et vous alors, qu'en pensez-vous hein? Écoutez, même si je ne fais pas partie des gens qui voient des complots partout, il y a franchement de quoi s'interroger, non ? Ne serait-ce que sur ce point. Comment Dipendra, qui titubait lorsqu'on l'a reconduit dans ses appartements, aurait-il pu perpétrer ce massacre sans être à un moment ou un autre maîtrisé? Parce que ça a quand même duré plusieurs minutes. Hein, bien sûr. Ouais. Et l'enquête officielle confiée par le roi Gyanendra au président de la Cour suprême et à celui du Parlement n'a pas permis d'approcher la vérité, ni même de proposer une explication du drame. Parce que, à côté de cette explication, Roméo et Juliette, qui me paraît un petit peu trop belle pour être tout à fait crédible, d'autres proches du palais ont prétendu que l'esclandre entre Dipendra et son père avait en réalité des motifs politiques. C'est-à-dire? Le prince héritier aurait demandé à son père d'abdiquer. Abdiquer? Mais pour quelle raison? Dans l'intérêt du pays déchiré par cette guerre civile qui ensanglantait le pays depuis 1996. Une abdication en sa faveur? Ça, je ne sais pas. Enfin, toutefois, il est certain que Dipendra, beaucoup plus proche du peuple que son père, pouvait penser que seule une négociation avec les rebelles permettrait de rétablir le calme. Enfin, ça n'est qu'une hypothèse. Quoi qu'il en soit, les circonstances du suicide du prince Dipendra demeurent toujours mystérieuses. Donc on ne saura jamais. C'est ce que je crois. Alors, sans accuser personne, il faut tout de même observer que Gyanendra, le nouveau roi, ne va pas tarder à donner satisfaction à tous ceux qui réclamaient l'implication de l'armée dans la lutte contre la guérilla maoïste. Quand ? Dès l'automne 2001, c'est-à-dire quelques mois à peine après la tuerie du palais. Et si j'ose dire, le 11 septembre est passé par là. Qu'est-ce que vous voulez insinuer là? Jusque-là, Washington ne s'est pas beaucoup intéressé à ce qui se passait dans la région. Mais après le 11 septembre, les dirigeants états-uniens déclarent se lancer dans une guerre globale contre le terrorisme. Ouais. Et les Américains alors, assimilent les maoïstes népalais aux terroristes qu'ils entendent traquer dans le monde entier? Exactement. Car la rébellion népalaise, nous l'avons vu, entretient des liens étroits avec d'autres mouvements armés, essentiellement dans le nord de l'Inde. L'Inde qui, après avoir longtemps flirté avec l'URSS, est désormais devenue une précieuse alliée des États-Unis dans cette région tourmentée. L'Afghanistan n'est pas très loin. Et puis il y a le Cachemire, où les islamistes sont très actifs. Alors ça veut dire que Washington va aussi intervenir au Népal? Intervenir, c'est un bien grand mot. Enfin, soutenir. Oui, certainement. Soutenir les autorités népalaises. Bien entendu. On en a une première indication très peu de temps après le 11 septembre. L'ambassadeur états-unien compare la guérilla maoïste à Al-Qaïda. Ça c'est clair, en effet. Et les faits semblent donner raison à l'ambassadeur. En novembre, les maoïstes conduisent une action d'envergure contre une capitale du district. Une trentaine de policiers et de soldats sont tués et bien sûr, les banques de la ville sont dévalisées. Le gouvernement népalais en profite pour déclarer l'état d'urgence. D'ailleurs, peu à peu, le roi Gyanendra va concentrer le pouvoir entre ses mains et même dissoudre le Parlement. C'est un retour à la monarchie absolue, ça. Oui, tout à fait. Ce qui permet alors, une fois de plus, de se poser des questions sur le massacre de la famille royale. À qui profite le crime, c'est ça? Ah oui, pourquoi pas. En même temps, l'aide américaine se fait plus visible. À la suite d'une visite de Colin Powell au Népal, puis d'un voyage du Premier ministre népalais à Washington, les États-Unis affirment clairement leur volonté de soutenir les autorités de Katmandou dans leur lutte antiterroriste. Mais concrètement, ça se traduit comment, là? D'abord, par de considérables livraisons d'armes et d'équipements militaires. Il y en a pour des dizaines de millions de dollars. J'ajoute, c'est important que la Grande-Bretagne n'est pas en reste. Ouais, c'est-à-dire les deux principaux acteurs de la coalition en Irak. Oui, ça permet à l'armée népalaise de se lancer dans une offensive de grande envergure contre la guérilla au printemps 2002. Avec quel résultat? Difficile à dire exactement, car les combats se sont déroulés dans des zones très difficiles d'accès. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'au cours de cette année 2002, plus de 5000 personnes ont été tuées. Dans quel camp? Les deux. Maoïstes et militaires ont rivalisé en brutalité et exaction. Et après une trêve décrétée au début de l'année 2003, les combats ont vite repris. Ce qui a conduit les États-Unis et la Grande-Bretagne à envoyer des conseillers militaires sur le terrain. Un engagement toujours plus important. Certes. Mais malgré ce soutien affirmé des deux grandes puissances occidentales et une supériorité numérique incontestable en hommes et en armes, le gouvernement népalais ne parvient toujours pas à vaincre la guérilla, bien au contraire. Les autorités népalaises ne contrôlent plus que les villes et les routes principales, et encore seulement de jour. Et les maoïstes se sont même payés le luxe d'imposer un blocus à la capitale. Au mois d'août dernier et c'est encore juste. Récemment. Ouais. Alors concluez vous-même. Si l'assassinat du roi Birendra avait vraiment pour but d'impliquer l'armée dans la lutte contre l'insurrection maoïste, c'est un échec. Et un échec sanglant. La pression des maoïstes sur Katmandou ne faiblit pas en effet. Et voici ce qu'on lit dans Libération datée du 15 septembre 2004. Le très autoritaire roi Gyanendra et son premier ministre Deba semble prendre la voie d'une confrontation militaire renforcée avec les maoïstes, encouragés par les États-Unis et le puissant voisin indien qui va livrer de nouvelles armes à l'armée royale népalaise. L'ambassadeur américain au Népal avait été clair vendredi dernier. Nous travaillerons avec le Népal pour garantir que les maoïstes ne soient jamais en mesure de prendre Katmandou. En guise de réponse, deux petites bombes explosaient quelques heures plus tard, sans faire de victimes, dans la cour d'un centre culturel américain de la capitale. Lundi, l'ambassadeur a demandé à Washington le rapatriement des familles de ses collaborateurs. À samedi prochain, je vous rappelle que sur franceinter.com, vous pourrez réécouter cette émission et même quelques programmes plus anciens. Allô, le conseiller Gaz de France ? Lui-même ? Je vous appelle pour vous dire bravo ! J'en attendais pas moins de vous. Mais de quoi vous me parlez là? De la semaine du goût. J'ai entendu dire que cette année encore, vous étiez partenaire. Bah oui. Il faut dire que le gaz naturel, c'est le partenaire rêvé pour la bonne cuisine. Oui. La flamme répond au doigt et à l'œil. Les aliments conservent toute leur qualité gustative. Et ça, tous les grands chefs vous le diront. Et pas seulement eux. Personnellement, j'avoue que le succès de mon papeton d'aubergine vous doit beaucoup. Ça a l'air bon, ça, dites-moi. En attendant, toutes les papilles de France vous disent merci. Ah, moi, c'est gentil de leur part. Du 11 au 17 octobre, Dolce Vita de Gaz de France est partenaire de la Semaine du Goût. Gaz de France, ici, là-bas, pour vous, pour demain. Les cycles Furibar annoncent une avancée sociale sans précédent. Chaque salarié se verra gratifié à la veille du repos annuel d'un complément d'émolument non négligeable sous la forme d'un jeu complet de démonte-pneus traité anti-corrosion. Et si vous optiez pour la modernité ? Simple, facile, le chèque vacances, c'est l'accès à plus de 135 000 partenaires vacances et loisirs. Renseignez-vous au 0825 844 344, 15 centimes d'euros TTC la minute, ou sur www.ancv.com. Chèque vacances, découvrez de nouveaux horizons. France 3. Bonsoir, heureux de vous retrouver en direct sur France 3. Avec On ne peut pas plaire à tout le monde, on s'explique. Vous faites avancer le débat. On réagit. Ça c'était drôle. On s'agace, on n'est pas toujours d'accord, mais on se prête volontiers aux questions sans concession de Marco. T'en penses quoi, Guy ? C'est comme à la télé. Eh ben ça promet. On ne peut pas plaire à tout le monde, présenté par Marc-Olivier Fogiel, avec la complicité de Guy Carlier. Le rendez-vous à ne pas manquer tous les dimanches à 20h50 en direct sur France 3. À suivre sur France Inter, c'est au De mon amour de Denis Chessoux avec comme invité Rachel Fléau-Mulot, venue nous parler de l'éventualité de la disparition du champagne due au réchauffement de la France. Pour l'instant, il est 14h sur France Inter, c'est l'heure du journal. On retrouve Michel Khalifa. Le gouvernement lâche du lest sur son avant-projet de loi sur les restructurations. C'est l'entourage de Jean-Pierre Raffarin qui l'annonce aujourd'hui. Plusieurs dispositions clés du texte sont concernées, notamment la définition du licenciement économique. Le gouvernement voulait y introduire la notion de sauvegarde de compétitivité de l'entreprise. Finalement, elle ne sera pas prise en compte. Hier, les syndicats avaient été invités à donner leur avis sur ce texte. Ils avaient exprimé leur mécontentement. La CGT et la CFE-CGC avaient même claqué la porte de la réunion. Hubert Falco quitte le gouvernement. Le ministre délégué aux personnes âgées l'a annoncé aujourd'hui. Il compte désormais se consacrer à ses activités de sénateur du Var après son élection le mois dernier. Mercredi, il assistera à son dernier conseil des ministres. Hubert Falco a passé 2 ans et demi au gouvernement. Opération Escargot sur la Seine. Une vingtaine de péniches se